vie, souvent triste et mélancolique. J'en arrive à comprendre les alcooliques. Tel un jeu de cartes, j'ai peu d'atouts et peu de cœur. Et inexistant sont les trèfles à quatre feuilles. Je tente de me tenir à carreau et de devenir un as ou un pro. Mais y'a blind pro, un gros poids dans la main, mes pattes cheveux sur la langue. Alors je rappe, fais de la zik, mais pas façon la lane. Je mets le doigt sur les galères de ma vie auxquelles je tends mon majeur. J'aurais besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, car là je coule comme un mauvais nageur. Le panorama est bien triste, que des problèmes à l'horizon. Il me faudrait la potion magique de Panoramix. Mais à dire vrai, je ne me fais aucune illusion. Jeu de mots, mais rien de marrant. Rien de marrant. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Ici, pour prendre son pied, c'est galère. Tu sois Kudjat ou non, j'ai autant de chances de victoire comme un show face à Tyson. Alors bien sûr je résiste, car j'ai les crocs et ça t'étonne. Si Dieu existe, il est sourd et à la chiasse, n'entends pas mes plaintes et devrait vite tirer la chasse. Trop de merde dans ma vie et trop peu d'aide de tes amis. On avance seul, un peu perdu, sans boussole. J'en perds le nord et c'est la mort. Quand de plus la chance te laisse en plan, dans cette vie y a pas de planque. Tu t'en sors ou non en fonction de ton compte en banque. L'argent fait pas le bonheur, mon cul. Un proverbe inventé par un riche qui devait pleurer la mort de son caniche. Quand je galère pour les 6 euros de mon McDo. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Plein le dos et dire que j'apprends qu'on y casse du sucre. D'autres me sucent et m'assurent que c'est pas par intérêt. Y'a plutôt intérêt, à vrai dire, je m'en bats les couilles. Trop de trucs à dire sur ce beat, beaucoup d'expressions en dessous de la ceinture. Celle qu'on se serre de plus en plus dur, toujours autant de verres reflétant ma misère. Et si ça continue, je serai bourré au rap, lassé, posé. Regarde où j'en suis posé, un texte en jeu de mots pour exprimer mes mots. Un peu d'humour dans une vie sans véritable amour. Et avec trop de morts, j'en ai marre, j'ai trop de larmes. L'alarme qui fait déborder le vase, donnant l'alarme. Une vie dure et puis la naissance. Et à ma connaissance, ça va pas s'améliorer. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Ça va pas s'améliorer. C'est pas demain que sur ma tête j'aurai des lauriers ou décrocherai l'or, ouais. Parce qu'aujourd'hui mes potes préfèrent s'éclater à la 8 que jouer à la 8. Ah oui, pour ça tout le monde est chaud. Beaucoup s'évadent vers un autre monde. Le temps d'un instant, quelques secondes, quitte leur vie triste. J'aimerais le faire, mais pour de bon, juste une piste sur ce disque. Pour te dire que dans ma tête ça tourne, mais pas toujours très rond. J'aimerais être très rond au paradis sur terre. Mais ma vie ressemble plus à une mauvaise parodie. Peu de rire, parodie recte. J'arrête là, plus beaucoup de place sur la feuille. Et devant le palace de la chance, je reste seul sur le seuil. Je reste seul sur le seuil. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots, jeu de mots. Jeu de mots.